Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin au début du chapitre 11 de Matthieu. Et nous allons regarder pendant ce chapitre encore une confirmation que Jésus était bien le Messie qui devait venir. C'était bien le roi promis à David. Souvenons-nous, l'ensemble global de l'évangile de Matthieu a ça pour but. Donc, nous devons continuer dans cette même direction-là. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes tournés devant toi parce que nous sommes toujours à la recherche de vérité qui va nous confirmer que ce que nous croyons est vrai. C'est ainsi que tes enfants se fortifient. Et c'est ainsi qu'ils te glorifient et qu'ils t'adorent. Donc, Seigneur, instruis-nous encore une fois, convainc-nous encore une fois, comme tu as convaincu Jean-Baptiste que tu étais le Messie. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Si vous jouez sur votre clavier et sur Internet et vous cherchez des études faites sur Matthieu chapitre 11, souvent, je ne dirais pas tout le temps, mais souvent, ce que vous allez trouver, c'est des messages qui parlent de Jean-Baptiste. Moi, j'aimerais vous parler de celui que Jean-Baptiste a parlé. J'aimerais vous partager pourquoi nous connaissons Jean-Baptiste. Parce que si Jean-Baptiste n'était pas lié à Jésus, personne connaîtrait ce phénomène qu'a vécu célibataire, pas eu d'enfant, dans le fond d'un désert. On ne le connaîtrait pas. Mais on l'a connu parce que sa vie est liée à celui du Messie. Jean-Baptiste est un bel exemple de la souveraineté de Dieu dans la vie des êtres humains. Avant qu'il soit né, Dieu a fait un miracle avec sa mère, parce qu'elle n'était pas capable de concevoir à cause qu'elle était âgée. Et la Bible nous dit que dès le sein de sa mère, il est rempli de l'Esprit. Et il va vivre une vie très, très spéciale parce que Dieu a divinement, souverainement pris possession de cet enfant dès le sein de sa mère avec un but bien précis. Il voulait en faire le héros du roi ou du Messie qui devait venir. Donc, Jean est important juste parce qu'il a parlé de Jésus-Christ. Mais je vais vous dire qu'il n'est pas plus important que chacun de nous qui parlons de Jésus-Christ. Il n'a pas été choisi parce qu'il s'est privé du luxe de la vie. Il n'a pas été choisi parce qu'il était très spirituel ou très obéissant à la loi de Dieu. Non, il a été choisi souverainement avant qu'aucune œuvre ne se fasse, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal. Dieu avait décidé d'utiliser Jean-Baptiste pour présenter le Messie, pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Comme je vous l'ai déjà mentionné et je le mentionne encore, ainsi s'accomplit les Écritures. Matthieu utilise l'Ancien Testament pour convaincre ses compatriotes que Jésus est le Messie qui devait venir. Donc nous allons lire chapitre 11, verset 1, jusqu'au verset 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sots entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas en occasion de chute. » Donc, Jean-Baptiste a eu un ministère d'environ 6 mois, peut-être à 1 an, et on sait qu'il a été arrêté et a été mis en prison à cause qu'il prêchait contre Hérode. Il prêchait et il disait de façon publique que Hérode n'avait pas le droit de prendre une femme qui n'était pas la sienne. Et à cause de cela, il a été mis en prison. Et de sa prison, il entend, au verset 2, il entend parler des œuvres du Christ. Donc, il entend dire ce que Christ est en train de faire. Mais ça ne semble pas le satisfaire. Ça ne semble pas le convaincre à 100% du moins. Parce qu'il envoie de ses disciples poser une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou si nous devons en entendre un autre? Voyez, frères et sœurs, pourtant Jean, il a vu le Saint-Esprit descendre sous une forme de colombe sur Jésus. Il sait pourtant que c'est le Messie. Il devrait être convaincu, il me semble. Est-ce que c'est vraiment pour lui qui a envoyé ses disciples? Ou c'était pour ses disciples qu'il l'envoyait? On pense que c'est pour Jean. Et seulement si Jésus est bien le Messie ou le roi qui avait été promis par Dieu à David. Donc, sans qu'on comprenne complètement toutes les raisons, on sait que soit que c'est pour lui qu'il n'est pas convaincu à 100%, soit qu'il veut emmener ses disciples à être vraiment convaincus et qu'ils arrêtent d'être ses disciples et qu'ils se tournent et deviennent disciples de Jésus-Christ. Peut-être aussi que ces gens qui, à cause de ces souffrances, à cause de la prison, à cause qu'ils voient venir la mort, qu'ils demandent. D'être fortifié dans sa foi. On est toujours fortifié par notre foi ou dans notre foi, par les paroles de Jésus-Christ. Les paroles dites ici de Jésus à Jean par ses disciples ou les paroles de Jésus qui ont été écrites dans la Bible et que nous avons aujourd'hui. Mais c'est les Écritures qui fortifient les croyants. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est les vérités qui fortifient les croyants ou qui vont convaincre les croyants. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit ceci, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Donc, vous êtes venu, vous m'avez suivi peut-être un peu, vous avez entendu, vous avez peut-être vu que je fais des miracles, comme il dit au verset 1, il parcourait les villes, faisait des miracles, il prêchait, il enseignait. Il dit, « Allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Donc, c'était des témoins oculaires, des témoins qui avaient vu et entendu quelque chose. Puis là, il décrit les miracles des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, des lépreux qui sont purifiés, des sourds qui entendent, les morts qui ressuscitent. Des miracles, Je vous le répète, un miracle, c'est quelque chose qui va contre les lois naturelles. Des miracles sont instantanés et souvent souverains de la part de Jésus. On a vu à plusieurs reprises que les miracles ne dépendaient pas toujours de la foi, parce que Jésus a guéri bien des gens qui n'avaient pas la foi, qui ne savaient pas qui il était. Il a même chassé des démons, et les démoniaques ne savaient pas qui il était. On a vu ensemble que les miracles avaient un but. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait dit. Il va se charger de nos maladies et de nos infirmités. Bon, je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me demandait pourquoi j'avais dit qu'il n'y avait pas, que Dieu ne faisait plus de miracles aujourd'hui. Et je lui ai dit que c'est la raison. La raison des miracles, ce n'était pas le bien-être des gens. La raison des miracles, c'est de convaincre Israël et tous ceux par après qui vont savoir que ces miracles ont eu lieu, convaincre que Jésus était le Messie envoyé de Dieu. Comme ici, Jean se demande s'il doit en attendre un autre. Il dit, dites-leur ce que vous voyez. Dites-lui ce que vous entendez. Dites-lui que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tout cela accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Tout cela accompli. Vous savez, cette personne qui m'a demandé cela, j'ai pensé par après que j'aurais pu rajouter ceci. Je le dis pour elle, je le dis pour tout le monde aussi. Elle a dit, François, ben on entend parler qu'il y a des miracles un peu partout dans le monde. Des choses qui arrivent qui sont miraculeuses. Savez-vous pourquoi je crois personnellement qu'il y a eu des miracles au temps de Jésus? Savez-vous pourquoi? Pas parce que je l'ai lu dans un livre. C'est pas parce que je l'ai entendu dire de quelqu'un. C'est parce que c'est écrit dans les Écritures. Les Écritures sont une révélation de Dieu. Ils sont inspirés de Dieu. C'est pour ça que je crois qu'il y a eu des miracles faits par Jésus et plus tard par les apôtres. Si ça ne venait pas des Écritures, je vous dis, je ne croirais pas. Je douterais fortement. Moi, je vous encourage, soyez très prudents quand vous dites un miracle a eu lieu à telle place, à tel endroit, en tel siècle, à telle année. Ce n'est pas inspiré. Ce n'est pas révélé. Oh! Toutes sortes de gens disent toutes sortes de choses. Mais permettez-moi d'en douter. Ma foi repose sur ce que les Écritures ont dit. Et je crois qu'il y a eu des miracles. Et je crois que ces miracles-là prouvent que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de l'homme, le Fils de David, parce que c'est écrit dans les Écritures. C'est pas parce qu'une petite madame ou un petit monsieur ou un missionnaire de l'Afrique me dit qu'il y a eu des miracles que je peux pas affirmer à 100% qu'il y a eu lieu et qu'il y a eu vraiment un miracle. Je peux pas affirmer ça à 100%. Mais je peux affirmer qu'il y a eu des miracles au temps de Jésus à 100% parce que les Écritures me le disent. Vous savez, c'est pour ça que Jésus les a faits. Encore aujourd'hui, tous ces miracles qu'on entend dire ne prouvent pas que Jésus était le Messie. Ils n'ont pas raison d'être. Ça a déjà été prouvé. Ça a déjà été prouvé qu'il était le Messie. Si les miracles de la Bible ne vous convainquent pas que Jésus était le Messie, ce n'est pas les miracles soi-disant aujourd'hui qui arrivent dans le monde que ça va convaincre qui que ce soit de la vérité. La raison d'être des miracles était de démontrer que Jésus était le Messie. C'est ce qu'il dit ici à Jean. Jean, tu devrais croire que je suis celui qui devait venir. Tu ne devrais pas en attendre un autre. Parce que regarde tous les miracles que j'ai faits. Des miracles spectaculaires qu'on ne voit pas aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup de morts qui ressuscitent et des aveugles qui voient clair et des lépreux qui sont purifiés. On n'entend pas parler. On entend toutes sortes de petits miracles. J'appelle ça des petits miracles. Qui, selon moi, ne sont pas des miracles. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ici, il faut faire attention que ce n'était pas les pauvres, juste les pauvres matériels, parce qu'il y a eu des riches aussi qui ont entendu. Hein? Mais ça veut dire que les pauvres spirituels, c'est dans ce sens-là, je crois qu'il faut le prendre. Et là, il dit au verset 6, heureux celui pour qui je ne serai pas en occasion de chute. Heureux la personne qui va croire que je suis celui qui devait venir. Heureux celui qui n'attendra pas un autre. Heureux celui qui croit les œuvres que j'ai faites, les miracles que j'ai faites, la bonne nouvelle que j'ai prêchée. Heureux celui-là. On va voir plus loin dans le chapitre 11, qui va dire malheur à ceux qui n'ont pas cru à ces miracles qu'il a faits, à cet enseignement qu'il a donné. Mais ici, il dit, heureux es-tu, Jean, si tu crois ce que tu entends et ce que tu as vu, ce que ces gens-là ont entendu et ce qu'ils ont vu. Heureux, Jean, si tu crois que je prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux. Heureux es-tu, Jean. Frères et sœurs, si vous doutez que Jésus est le Christ, si vous doutez, s'il vient des doutes dans votre vie, si quelqu'un vient un jour, un faux prophète vient un jour, et qui vous amène des doutes, retournez aux évangiles, lisez la vie de Jésus, et vous allez voir qu'il n'y a aucun doute. C'était vraiment lui. Il n'y en aura pas d'autre. Ici, vous entendez parler de miracles un peu partout. Ne partez pas une chicane avec ça, c'est bien entendu. Mais soyez assez sage pour ne pas baser votre foi sur cela. Notre foi est basée sur ce qui a été dit ici à Jean-Baptiste. La grande majorité des gens qui ont été bénéficiaires des miracles que Jésus a faits ne se sont pas convertis. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui disent avoir eu des miracles dans leur vie, je ne suis pas surpris d'en trouver un paquet qui n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Parce que des fois, ils sont là pour les miracles. Et quand ils ne la voient plus, ils disparaissent. Les miracles qui ont eu lieu au temps de Jésus, faits par Jésus, ne vont jamais disparaître. Notre Père du ciel, te remercie que tu, en confirmant à Jean que tu étais celui qui devait venir et qu'on ne doit pas en attendre un autre, tu nous le confirmes à nous aussi. Nos cœurs sont dans la paix. Nos cœurs sont dans la paix. Tu as fait des grandes œuvres que personne n'a fait après toi. Jamais avec l'ampleur et avec la grandeur, avec la multitude que tu l'as fait. Seigneur, quand on a des moments de doute, donne-nous la grâce de retourner aux Écritures. Non pas de rechercher des expériences dans notre vie, mais retourner aux Écritures afin qu'ils nous fortifient, afin qu'ils puissent nous convaincre que tu es le roi qui devait venir. Amen.